Unité 2, leçon 1. Exercice 10. Exprimer des regrets avec « Je regrette que ». Exemple. Partir. Je regrette que tu sois parti. À vous. Ne pas vouloir venir. Je regrette que tu ne veuilles pas venir. S'en aller si vite. Je regrette que tu t'en ailles si vite. Ne pas prendre plus de temps pour se reposer. Je regrette que tu ne prennes pas plus de temps pour te reposer. Interrompre notre collaboration sans prévenir. Je regrette que tu interrompes notre collaboration sans prévenir.